Bonjour à tous et à toutes, c'est Aurélien. On se retrouve cette semaine encore pour les coups de cœur d'Aurélien. Et cette semaine, je vais vous parler d'un petit festival auquel festival qui prend de l'ampleur, auquel j'ai pu assister il y a maintenant quelques jours. Donc j'étais aux Imaginales, donc certains d'entre vous doivent connaître. Les Imaginales, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un festival de fantastique, de livres plus précisément, donc de tout ce qui est fantastique, heroic fantasy. Il regroupe des salons, le salon littéraire, plus des reconstitutions de camps napoléoniens, vikings et tout ce que vous voulez. Bon, j'ai eu la chance d'y aller le 24 mai, un jeudi si je me rappelle bien. Donc c'est un petit peu les journées scolaires, hein, j'ai été avec l'école. J'ai pu rencontrer pas mal d'auteurs, parce qu'en fait il y avait plusieurs stands où on pouvait rencontrer des auteurs. Donc j'ai pu entre autres rencontrer l'auteur de Sirius, qui est Stéphane Servant. J'ai pu rencontrer aussi l'auteur de Phobos, qui est Victor Dixon, entre autres, hein, bien évidemment. Même s'il y avait plus de monde le samedi en termes d'auteurs. Là-bas, il y avait pas mal de choses à voir, il y avait notamment les auteurs déjà. Au début, je voulais faire quelques petites interviews pour vous, notamment des deux auteurs-là. J'ai lu leur livre principal, on va dire. Il y a aussi Eric Lhomme qui était. J'ai voulu faire une interview, mais il y avait beaucoup de monde. Malheureusement, dès le matin, il y a eu du monde. Il m'était pour moi impossible de reparler plus de 1 minute. J'aurais pas pu réaliser l'interview. Puis j'ai pas eu la chance d'y retourner le samedi. Donc malheureusement, on va faire sans. Donc je vais vous parler de toutes les choses que j'ai pu voir sur le salon. Donc on va commencer déjà par le gros stand où il y avait tous les auteurs. Il y avait des dizaines d'auteurs avec leurs livres, évidemment. Où on pouvait se faire dédicacer, discuter 5 minutes. Ensuite, il y avait des conférences, hein. J'ai pu notamment assister à celle de Stéphane Servant, justement, qui a écrit Sirius, donc qui a remporté de nombreux prix. J'ai déjà dû parler de ce livre d'ailleurs. Il a remporté dans mon collège d'ailleurs le prix des Imaginales, Sirius. Donc on a donné il nous a expliqué un petit peu son parcours pour devenir auteur, très intéressant d'ailleurs. Et il y avait de nombreux débats ensuite et avant sur différents sujets plus ou moins philosophiques, je dirais presque. Il y avait un deuxième stand assez immense où on pouvait voir des auteurs de BD, ce coup-ci. C'est des BD, des mangas, parce qu'il n'y a pas que des romans, faut quand même pas rigoler. Donc des BD, des mangas. Donc ça, c'était les deux stands, je dirais, principales. Déjà juste, le festival s'est déroulé au parc du cours à Épinal. Donc vous voyez un petit peu le parc du cours, hein. Presque tout le cours était occupé. Et tout autour, après, il y a plein de petits stands, de plus petits éditeurs, je dirais, avec de plus petits écrivains. On a pu aussi observer pas mal des shops. On a pu acheter différents objets, notamment des bijoux. Il y a eu beaucoup de bijoux, des colliers, des bagues en tout genre, plutôt ce qui est ancien un petit peu et ce qui fait penser à de la fantasy. On a pu aussi trouver pas mal d'armes. Je sais que notamment moi j'ai acheté des petits shurikens, c'est des armes de ninja. Bon, on pouvait acheter entre autres des épées, des trucs comme ça. On pouvait acheter des vêtements, enfin tout plein de produits dérivés après, hein, de fantasy et compagnie. Et il y avait encore deux choses assez intéressantes. Un stand de personnes qui restauraient une forteresse, donc qui est habillée en moyenâgeux. Il y avait un stand de personnes de Napoléon, qui est habillée en personne de guerre napoléonienne. Il y avait des vikings. Il y avait un endroit dédié où on pouvait faire des petites batailles d'épées, on va dire. Avec des épées en mousse, c'est assez marrant. Et après, sur la place des Vosges, il y avait une exposition avec des tableaux. Franchement, juste magnifique. Sur des décors un petit peu imaginaires, avec des personnages imaginaires. Il y avait franchement des tableaux à couper le souffle, des paysages juste magnifiques. Il y en a deux que j'ai particulièrement aimé. Un d'une cité abandonnée immense. La personne qui a dessiné ça, déjà, très grand respect à elle. Franchement, c'était magnifique. Mais surtout, j'imagine pas le temps qu'il a dû passer sur son œuvre, tellement elle était belle. Et une autre qui regroupait pas mal de personnages, d'icônes, du fantastique, je dirais. Mais ça allait un petit peu dans tous les sens. Autant les dessins animés que les Marvel, les BD. Ça regroupait vraiment beaucoup de formats, je dirais, de fantastiques différents. Hein, dessins animés, films, mangas, BD, romans. Vraiment beaucoup. Et il y avait aussi à la médiathèque, une image d'exposition d'images fantastiques, comme à la place des Vosges. Donc si on peut retenir, il y avait trois lieux, d'accord. Donc la médiathèque, la place des Vosges et le cours. Même si c'est au parc du cours où se déroulait le principal, évidemment, puisqu'il y avait tous les auteurs, toutes les échoppes, les conférences, les combats d'épées. Et j'ai noté une chose, c'est qu'en fait, j'étais aux Imaginales les années précédentes, et plus les années passent, et plus ce festival grossit. C'est sa 18e édition, c'est d'ailleurs super bien qu'il grossit. Hein. Chaque année, j'ai pu discuter en coup de vent, je dirais, avec l'un des organisateurs. l'un des organisateurs du festival, et il m'a confié que il reçoit de plus en plus de demandes d'auteurs qui voudraient participer à ce festival. Malheureusement, ils sont obligés d'en refuser, bien évidemment. Ils n'acceptent que les personnes qui écrivent vraiment du fantastique ou les auteurs régionaux. Je sais que notamment j'ai un membre de ma famille un peu éloigné qui était là-bas, Elise Fischer. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à lire. Elle fait juste des romans magnifiques, historiques, pour la plupart réels. Notamment, je sais, elle a écrit il y a pas longtemps un roman sur les dames de sel. Les dames qui travaillent dans les mines de sel, elle s'est rendue là-bas pour se rendre compte de l'atmosphère. Enfin, elle a effectué un réel travail derrière son livre. Bon, donc à ce salon, il y avait des auteurs régionaux aussi. Et si cela vous intéresse à tout hasard, je peux déjà vous affirmer que les Imaginales 2020, donc de l'année prochaine, se dérouleront en mai, plus précisément entre le 23 et le 26. En fait, aux mêmes dates que cette année. Ils changent pas les dates. Donc, si ça vous intéresse, je récapitule, un salon d'héroïque, fantasy, fantastique, dark fantastique, tout ce que vous voulez, tout ce qui touche à ce qui n'est pas réel, d'accord, à Épinal, au Parc du Cours, en mai prochain, vers le 20. Ce salon s'appelle Les Imaginales, et vous pourrez rencontrer un bon nombre d'auteurs. Et pas que français, hein, il y avait des Russes, des Américains, des Anglais, et pas mal d'autres nationalités. Il y avait un... C'est tout, en fait, je crois. Il y avait d'autres nationalités, quoi. Donc, à tout hasard, si vous avez un auteur comme ça qui vous plaît, cherchez sur Internet. Je sais que, notamment, l'auteur de Phobos n'était pas français, donc... Voilà, bon. Sur ce, je vais vous laisser là. Deux petites précisions. Alors, la semaine prochaine sera ma dernière chronique. Après, j'arrête pour des raisons personnelles. Après, je vais... Plus de raisons personnelles, j'arrête. Malheureusement, donc on se retrouvera que dans un peu plus d'un an, quand je pourrai recommencer les chroniques. Malheureusement, je dois arrêter. Et je me prends peut-être un petit peu tard, mais en fait, j'ai créé une page Instagram dédiée à cette émission. Donc, elle s'appelle Les coups de cœur d'Aurélien. Ou simplement, elle, c'est. Enfin, les premières lettres du mot Les coups de cœur d'Aurélien. Parce que le nom était trop long. Et dessus, je vais poster régulièrement. Le lien pour mes chroniques, et même si pendant un an je vais arrêter les chroniques, je reviendrai peut-être quand même pendant chaque vacances pour vous fournir quelques interviews d'auteurs que j'aurai la chance de rencontrer, et j'animerai régulièrement cette page avec différents petits sondages comme ça sur ce que vous aimeriez avoir comme chronique. Voilà, sur ce, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière chronique où je vous parlerai de cette radio, Radio Gamozo, qui est une très belle radio d'ailleurs, où je vous conterai son histoire. Voilà. C'était Aurélien, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Gamozo, même heure, même jour.